quoique les dispositions qui viennent d'être indiquées ne soient toutes objectivement, c'est-à-dire considérées dans l'intention des puissances, que des lois prohibitives, il en est cependant quelques-unes qui sont strictes, c'est-à-dire indépendantes de toute circonstance et qui exigent une exécution immédiate et absolue. Telles sont les prescriptions marquées dans les articles 1, 5 et 6. Tandis que les autres, comme celles des articles 2, 3 et 4, sans constituer des exceptions à la règle de droit, sont moins rigoureuses et subjectivement larges, parce que leur observation dépend de circonstances locales et accidentelles qui peuvent en retarder l'exécution sans qu'il soit permis néanmoins de les perdre entièrement de vue et de remettre aux calendes grecques, pour me servir d'une expression d'Auguste, les restitutions à faire aux États qui ont été lésés, ce qui serait l'annulation même de la loi. Mais cet ajournement n'est même permis que pour empêcher une précipitation qui pourrait détruire le but qu'on se propose. La disposition prohibitive contenue dans cet article 2 ne détermine que pour l'avenir le mode d'acquisition légitime et ne doit point avoir d'effet rétroactif, la possession actuelle, sans être juste et légale en elle-même, ayant été généralement réputée telle à l'époque de la prétendue acquisition.